بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue donc, mon cher frère, cette série de cours. Barakallahu fikoum. Il nous manquait un point qu'on n'a pas abordé ce matin. Normalement, il devait être cité dans le cours de ce matin. On n'a pas pu finir. Il dit l'auteur, rahimahullah, il a créé le feu et en a fait une demeure d'éternité pour ceux qui ont mécru en lui et ont profané ses signes, ses livres et ses messagers. À la page 25. Et donc, comme il cite l'auteur, rahimahullah, et donc, ici, il nous dit donc que le feu est une demeure d'éternité. Et donc, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, parmi donc la croyance des gens de la sunna, c'est que les gens de l'enfer resteront et demeureront dans le feu, comme on l'a vu donc ce matin. Comme je l'ai cité ce matin, il n'y a pas été rapporté avec une chaîne de transmission authentique, il n'y a nullement été rapporté que les gens du feu sortent du feu. Ça, tu ne le trouves pas. Que les gens du feu sortent du feu, tu ne le trouves pas sauf pour les croyants. Sauf pour les croyants qui sortent par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir donc étaient punis pour leurs péchés, etc. Mais des textes, ce que je veux dire par les gens du feu, des textes qui citent que des polythéistes y sortent du feu, ça, tu n'en as pas. Pas dans le Coran, pas dans la Sunna. Et donc là, on parle d'un sujet de El-Raïb. Voilà pourquoi l'auteur, ici, il nous dit que Allah tabaraka wa ta'ala a fait du feu une demeure d'éternité pour ceux qui ont profané ses signes, ses livres et ses messagers. Il nous dit, rahimahullah, il a fait d'eux qu'ils soient privés du fait de le voir. Donc ce matin, on a vu que les croyants, ils verront leur Seigneur. Sahih ? Les croyants verront leur Seigneur, et ça fait partie de la croyance des gens de la Sunna. Concernant les non-croyants, ils seront privés de cela. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit Kalla, innahum arrabihim yawma idhin la mahjuboun. Non, ce jour-là, ils seront privés du fait de voir leur Seigneur. Ce jour-là, il y aura un voile entre eux et leur Seigneur. Ils ne pourront donc pas le voir. Et les savants, ils ont aussi utilisé comme preuve la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Et au jour du grand rassemblement, nous le ramènerons aveugle. Nous le ressusciterons pour le grand rassemblement aveugle. Et donc l'incroyant, il ne verra pas son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il y a parmi certains des gens de science qui disent que les hypocrites, ils verront leur Seigneur, puis après cela, ils seront privés. Et donc c'est comme une forme de punition, le fait de le voir et ensuite de ne plus pouvoir le voir. Ça, c'est une parole parmi certains des gens de science. Toujours là, on est dans les paroles de Ahl Sunnah. Et d'autres, ils ont dit, donc toujours chez les gens de la Sunnah, ils ont dit que les incroyants, ils verront Allah tabaraka wa ta'ala, donc durant au jour de la résurrection. Mais ce n'est pas une vision, ils ne le verront pas en prenant du plaisir. Ils ne le verront pas en appréciant cela. Ça sera comme une punition, une menace pour eux. Les savants, ils citent un exemple, c'est un peu comme Celui qui sait qu'il y a une grande menace qui l'attend et qui est ramené devant le juge, etc., etc. Et donc, lorsqu'il se retrouve devant le juge, il a peur de la menace qui va être annoncée et donc il est effrayé. Ils disent, les incroyants, ils verront leur Seigneur, et donc, mais ils auront peur de cela. Ça sera un moment qui n'est pas appréciable, contrairement aux croyants qui verront leur Seigneur et pour eux, c'est la meilleure récompense. Mais le premier avis, l'avis le plus juste est le premier avis. Parce que c'est l'épreuve claire, ou du moins l'épreuve montre clairement, excusez-moi, que les incroyants ne verront pas leur Seigneur. L'épreuve montre clairement que les incroyants ne verront pas leur Seigneur. Et donc maintenant, pour dire qu'ils le verront, il faut une preuve. Il faut une preuve. Les prétentions ne suffisent pas. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, et qu'Allah le Très-Haut et le détenteur de la bénédiction absolue viendra au jour de la résurrection alors que les anges seront en rang pour l'exposition des communautés, leur jugement, leur punition et leur récompense. Donc ça, c'est à la page 26. Et donc ici, on a deux attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Parce qu'il nous dit ici l'auteur, et qu'Allah le Très-Haut, le détenteur de la bénédiction absolue, viendra. Et donc, parmi les attributs d'Allah, il y a le fait de venir. En arabe, on a les deux attributs, la différence entre El-Medji et El-Itiel. El-Medji et El-Itiel. En français, on va traduire les deux de la même façon. Le fait de venir. Et donc cela fait partie des attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Les gens de la Sunna, ils vont affirmer le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala vienne. Et Allah lui-même, il dit Tabaraka wa Ta'ala, wa ja'a rabbuka wal maliku saffan saffa. Donc la sourate numéro 89, Al-Fajr, le verset 22. Et ton Seigneur viendra alors que les anges seront en rang. Ton Seigneur viendra. Et donc parmi les attributs là, il y a le fait de venir. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi hulalim min al-ghamam wal malaikatu wa qudiya al-amr » Et donc est-ce qu'ils attendent que ton Seigneur vienne? Sourate Al-Baqara, le verset 110. Et Al-Mu'tazila ainsi que Al-Jahmiya ont rejeté cet attribut, le fait que Allah Tabaraka wa Ta'ala vienne. Ils ont rejeté cela. Ils disent, si nous disons que Allah viendra, alors cela veut dire que Allah se déplace. Et si on dit qu'il se déplace, ça veut dire qu'il a un corps. Et donc si on dit qu'il a un corps, ça veut dire qu'il ressemble aux créatures. Et donc encore une fois, on est parti sur des « ça veut dire », etc. au lieu d'affirmer ce qu'il y a clairement cité dans les textes. Et donc, encore une fois, ils vont... Avant de rejeter cet attribut, ils vont d'abord prétexter que Allah ressemble à sa créature. Si on affirme l'attribut, ça veut dire qu'il ressemble à sa créature. Alors, la solution, c'est de ne pas affirmer cet attribut. Alors que Allah lui-même, il le dit. Il le dit, tabaraka wa ta'ala. Comment il viendra? Allah alam, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il viendra. Mais en tout cas, il viendra, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, et que les balances seront placées pour peser les œuvres des serviteurs. Ceux alors dont leurs bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et leurs parchemins contenant leurs œuvres leur seront donnés. Celui donc à qui on donnera son livre de la main droite, son jugement lui sera facilité. Mais ceux à qui on mettra leur livre derrière leur dos, ceux-là brûleront dans une fournaise. Donc ceux qui récupéreront le livre derrière leur dos. Les gens de la Sunna, donc, ils croient fermement en l'existence de la balance. La balance au jour de la résurrection, le fait que les balances seront placées. Et ils croient que c'est une réelle balance. Ce n'est pas du medjez. Ce n'est pas une image. Non, c'est une vraie balance pour peser nos œuvres. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wal waznu yawma idhin al-haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun » Et donc, les pesés en ce jour-là seront al-haqq, seront réels et véridiques. Il n'y aura pas de tromperie. Alors celui donc dont ses œuvres pèseront lourd, ou ceux dont leurs œuvres pèseront lourd, ceux-là seront ceux qui ont réussi. Sourate Al-A'raf, la sourate 7, le verset 8. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa nada'u al-mawazin al-qista li-yawm al-qiyama » Et au jour de la résurrection, nous placerons les balances justes. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre qu'il va nous juger en toute justice. Personne ne subira d'injustice en ce jour. Allah azza wa jalla, il n'a pas besoin des balances pour nous juger. Mais il nous montre sa pleine justice, que personne ne puisse parler. Personne ne puisse dire non mais, toutes tes œuvres sont pesées. Personne ne parle. Personne ne pourra dire non mais j'ai, non mais, etc. etc. Al-Bukhari et Muslim cite dans le recueil, donc Al-Sahihayn, d'après Abu Hurayra radiallahu anhu. Et donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, kalimatani khafifatani ala lisani faqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallahi wahdahu, subhanallahi al-azim. Et donc il y a deux paroles qui sont légères dans la prononciation des langues, et pourtant qui sont lourdes sur la balance et qui sont aimées du tout miséricordieux. Ces deux paroles sont subhanallahi wahda, ou du moins, excusez-moi, subhanallah wa bihamdi. Pureté à Allah, pureté à Allah, et par sa louange, ainsi que pureté à Allah, le majestueux. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On avait vu un autre hadith, et donc ce hadith-là, il nous montre que il y aura les balances au jour de la résurrection. Et que les œuvres peuvent être légères pour nous, dans nos langues, mais pourtant elles sont lourdes sur la balance. Qu'est-ce qui est le plus lourd dans la balance? C'est important ça. On veut tous aller au paradis. Et donc on veut tous que nos balances soient lourdes. C'est important de savoir qu'est-ce qui pèse le plus. Quelqu'un qui se lance dans un commerce, il va regarder qu'est-ce qui rapporte le plus. On est d'accord? Hein? Alors? La justice, le fait d'être juste. Ah, là on commence à se rapprocher. Le fait d'être juste. Véridique. Sincère. Il y a un hadith, les frères, on l'a déjà cité et recité. Alhamdulillah, cette fois-ci, il y a le manuel. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Il n'y a rien au jour de la résurrection qui sera plus lourd dans la balance que husnul khuluq, le bon comportement. » le bon comportement. Et donc, barakallahu fikoum, ici, on a un problème. Mouchkil. On a déjà vu ce hadith, on a déjà vu le mouchkil, on a déjà répondu au problème. Est-ce qu'il y a des non-musulmans qui ont un bon comportement? Ah oui, ben oui. Il vient tous les matins. Alors, comment allez-vous? Et la mosquée, comment ça va? J'ai vu que maintenant vous priez et tout, etc. Hein? Il y en a même qui vont venir pour donner de l'argent pour les musulmans, etc. Toujours souriant, toujours à aider. Est-ce que son bon comportement au jour de la résurrection sera lourd ou pas? Alors vas-y, Nadji. Ça dépend de son bon comportement et dans quel objectif. S'il l'a fait pour Dieu, ça va peser pour la valeur. S'il l'a pas fait pour Dieu, il va être comporté super et pas. Si il n'est pas musulman, mais ça là, il le fait pour Allah. Mais il n'est pas musulman. Moi, je ne crois pas en Mohammed. Mais quand je donne l'argent à la mosquée des musulmans, je le fais pour Allah. Alors, l'oncle du prophète, il est en enfer. Il a fait du bien, il a aidé le prophète. Il n'a pas la ilaha illallah. Et donc là, il est là, c'est plus lourd que le bon comportement. C'est ça la question que je pose maintenant. Est-ce que là, il est là, est plus lourd dans la balance que le bon comportement? Elle fait partie du bon comportement. Les frères, le comportement se divise en deux. Le bon comportement se divise en deux. Il y a le bon comportement envers Allah, c'est la base. C'est la base. Il était obligatoire d'avoir un bon comportement envers Allah. Et première chose, tu commences par adorer Allah seul, c'est la base. Deuxième point, le bon comportement envers les créatures d'Allah. Le bon comportement envers les créatures d'Allah. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, ici, de répondre et de conseiller deux types de personnes. Ceux qui vont se concentrer dans les actes d'adoration, et ci, et ça, mais qui vont être très négligents dans leur comportement envers leurs frères. Injustice, dureté, etc., etc., etc. Rappelez-vous de cette femme dont les compagnons ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: innaha taqoumul layl wa tasoumun nahar. Elle prie la nuit et elle jeûne le jour. Dans une narration, elle donne beaucoup d'aumônes. Cependant, elle fait du tort à ses voisins par sa langue. Mauvais comportement. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: la khayra fiha hiya fi an-nar. Il n'y a pas de bien en elle, elle est dans le feu. Hein? Et donc il est important de conseiller ceux qui vont être concentrés. Ah, moi j'adore mon Seigneur, mais il oublie le comportement envers sa mère, son père, ses frères, ses sœurs et les autres. Et de l'autre côté, à l'opposé, on va avoir ceux qui vont être là. Ah, le comportement. Et on le voit négligent dans l'adoration à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc c'est important, les frères, qu'on réunisse les deux. Les deux font partie du comportement. Le comportement envers Allah, et c'est la base, et le comportement envers les créatures d'Allah. Et donc les savants, ils ont divergé concernant la balance. Est-ce que c'est une balance ou deux? Et l'avis le plus juste, c'est que c'est une seule balance. Pourtant, vous avez vu tout à l'heure, j'ai cité des versets où c'est cité le mot El-Mawazin. El-Mawazin, c'est le pluriel de Mizen. Mizen qui est balance. La balance. Le pluriel, El-Mawazin. Et donc, comment on explique que la vie le plus juste, c'est qu'il n'y a qu'une seule balance au jour de la résurrection? Alors, on va relire les versets. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Et nous placerons les balances juste au jour de la résurrection. Parce que c'est les balances pour la résurrection. Une balance par personne, mais il y en a plusieurs en train. Pas mal. Je vais vous lire un autre verset pour vous aider à comprendre. Femen sekulet mawazino. Mawazino, ce serait les bons actes. Ah, les actes. Parce que ici, il dit celui dont ses mawazines, donc les balances, sont lourdes. Est-ce que c'est la balance qui est lourde ou c'est les œuvres qui sont lourdes? C'est les œuvres. Mais le terme mawazin a été utilisé pour les œuvres. D'accord? Et donc, quand le terme est cité au pluriel, ce qui est voulu ici, ce sont les œuvres. Les œuvres dans la balance. D'accord? Et donc, la vie le plus juste, c'est qu'il y aura une balance au jour de la résurrection. Maintenant, les peser, quoi. Comment? Les peser, exactement. Exactement. Oui. Et aussi donc les parchemins qui seront donnés, et donc dans la croyance des gens de la Sunna, il y a la croyance au parchemin, au fait que les gens recevront chacun leur parchemin. Ici l'auteur il nous dit que ceux qui recevront le parchemin derrière le dos. Pourtant Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit « Man utiya kitabahu bishimal » Celui dont on lui donnera son parchemin de la main gauche. Mais dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit Man utiya kitabahu wara adhri. Celui dont on lui donnera son parchemin derrière le dos. Et donc, ils recevront leur parchemin derrière le dos avec la main gauche. Il n'y a pas de contradiction en cela. Derrière le dos avec la main gauche. Tous ceux qui recevront leur parchemin derrière le dos avec la main gauche seront donc malheureux. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, et que le sirat est une vérité. Et donc, nous croyons fermement au fait que le sirat est une vérité. Le sirat, la passerelle, ou alors le pont, est une vérité. Et que chacun passera sur ce pont. Les serviteurs le traverseront en fonction de leurs œuvres. Subhanallah. Les serviteurs traverseront ce pont en fonction de leurs œuvres. Et il est où ce pont? Il est où? Au-dessus de l'enfer. Il est comment? Il est fin. Comment il est fin? Il est plus fin qu'un cheveu. Il est plus fin qu'un cheveu. Il est plus aiguisé qu'une épée. Et les serviteurs passeront chacun dessus, au-dessus de l'enfer. Étape difficile ou pas difficile? T'as eu ton parchemin. Étape difficile ou pas difficile? Et donc les faire, il faut vraiment qu'on fasse attention, qu'on demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous accorder la réussite, parce que celui qui réussit, c'est celui dont Allah lui accorde la réussite. Et il y a une très belle parole des gens de science. Ton passage sur le pont, sur le sirat, dans l'au-delà, est comme ton passage sur le sirat ici-bas. Ici-bas, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné des directives à suivre, une voie. À chaque prière, on invoque « Ihdina sirat al-mustaqim » guide-nous vers la voie de rectitude. À chaque fois, on invoque. Maintenant, toi, chacun d'entre nous, comment on est sur cette voie de rectitude? Est-ce qu'on va à gauche, à droite, à chaque fois, on part, on revient, on part, on revient, on part, on revient, ou alors on y va tout droit? C'est comme si on pense qu'il est large. Non, non, il n'est pas large. Exactement. Ici, on pense trop que le pont, il est large, c'est ça. Exactement. Et donc, il faut faire très attention. De la même manière que tu es sur le pont ici-bas, tu es dans l'au-delà. Alors, délaissons les péchés. Ne pensons pas que les péchés n'ont pas d'impact sur nous. On est là, péché tranquille, alhamdoulilah. Personne ne m'a vu, ma'alich. Et donc, il dit l'auteur, certains seront alors sauvés et se distingueront mutuellement dans la vitesse par laquelle ils seront sauvés du feu. Et donc les gens ne passeront pas sur ce pont de la même manière. Pourquoi? C'est de la même manière qu'ici-bas, bien, les gens ne sont pas semblables. Il y en a qui font beaucoup d'actes d'adoration, il y en a qui font peu, etc., etc. Et donc les gens, ils vont passer sur le sirat avec des vitesses différentes. Et d'autres, leurs œuvres les feront chuter dans le feu. Et donc, Abu Saïd al-Khudri, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Yu'ta bil jisri fa yuj'alu bayna dhahri jahannam fa kulna ya Rasulallah wa mal jisr » Il dit sallallahu alayhi wa sallam, on viendra avec le pont et on le mettra au-dessus de l'enfer. Alors les compagnons, ils dirent, ô messager d'Allah, mais qu'est-ce que le pont? Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à décrire le pont. Mazillatun. Ça veut dire quoi, mazillat? Mazillat. Zellat. Zellet, al-Qadamen. Glisser. Et donc un pont glissant, dangereux. Alayhi khatatif wa kalalib. Avec ses pinces et ses crochets aiguisés qui vont déchirer, accrocher. Tu passes sur un pont qui est difficile. Un pont qui fait peur, barakallahu fikoum. Et donc, comment tu fais? Ce sont tes œuvres. Ce sont tes œuvres. Et donc, il faut que chacun d'entre nous, nous fassions attention à accomplir de bonnes œuvres. Ne néglige pas l'œuvre qui va te sauver. Ne néglige pas la bonne action qui peut être la cause que tu sois sauvé. Ne néglige aucune bonne action, aucune prière le soir, aucun jour de jeûne. Ne néglige pas les bonnes actions, ne néglige aucun sourire que tu peux faire à ton frère, aucune sadaqa, parce que c'est tes œuvres qui vont te faire passer. Et donc, barakallahu fikoum, il y a énormément de textes qui abordent ce sujet. Il y a dans Sahih Muslim, Abu Saïd qui dit « Balagani anna al-jisra adaqu min al-sha'ra, ahad min al-sayf » Dans Sahih Muslim, Abu Saïd qui dit, il m'a été rapporté que le pont est plus fin que le cheveu et plus aiguisé que l'épée. Et donc les gens, lorsqu'ils passeront sur ce pont, comme on a dit précédemment, ils passeront en fonction de leurs œuvres. Al-Wa'idiyya ainsi qu'Al-Khawarij. Excusez-moi. Al-Wa'idiyya. Donc parmi les Wa'idiyya, il y a Al-Khawarij ainsi qu'Al-Mu'tazila. Il y a deux groupes dans Al-Wa'idiyya. Ces gens-là, ils ont rejeté ce sujet. Ils ont rejeté le sujet du pont. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté le sujet du pont? Parce que ce sujet, il contredit leur croyance que celui qui fait de grands péchés, il va directement dans le feu. Celui qui fait de grands péchés, il va directement dans le feu. Ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, et la croyance au bassin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Sa communauté s'y rendra et celui qui, ou du moins celui qui en boira, ne sera plus assoiffé. Mais ceux qui ont modifié et changé seront écartés, ou en seront écartés. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un bassin qui lui sera accordé au jour de la résurrection. Sa communauté, les gens de sa communauté pourront y aller, y boire. Mais certains seront écartés. Qui ? Ce sont ceux qui ont changé les choses, qui ont modifié. Dans Sahihay, selon Uqbat ibn Amir, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inni faratun lakum » Certes, je vais vous précéder. « Wa ana shahidun alaykum » Et je suis témoin vous concernant. « Wa inni wallahi la agun wa la anduru ila hawdil an » Il a dit « Et moi par Allah, je regarde mon bassin maintenant. Dès maintenant, je le vois. » Il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans Sahihay. Et donc, le bassin, il existe actuellement dans Sahih Muslim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La huwa ashaddu bayadan min al-thalj wa ahla min al-asal wa aniyatuhu akthar adad min nujum al-sama » Et donc, concernant la description de ce bassin, alors son eau, elle est plus blanche que Esfelj. C'est quoi Esfelj? La neige. Dans certaines narrations, que le lait, elle le bénit. Et son eau est plus douce que le miel. Et ses récipients sont plus nombreux que les étoiles du ciel. Mais il a été rapporté dans Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsqu'il arrivera à son bassin, lorsqu'il sera à son bassin et que les gens de sa communauté viendront, il dit « Thumma yuhalu bayni wa baynahum » Alors, on mettra donc, on s'interposera entre eux et moi. فَأَكُولُ إِنَّهُمْ مِنْ أُمَّتِي Alors, le prophète, il dira, certes, ils font partie de ma communauté. Ils font partie de ma communauté. أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونَنِي Je les connais. Et ils me connaissent. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, فَيُقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ بَعْدَكِ Alors il sera dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Alors il dira, sallallahu alayhi wa sallam, suhqan, suhqan, suhqan, suhqan, c'est-à-dire bu'dan, bu'dan, éloignez-vous, éloignez-vous. Et donc ici, on voit un point important, les frères, le danger qu'il y a dans le fait de modifier la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le danger qu'il y a dans le fait de modifier la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les savants ont divergé concernant ce sujet. Donc il fut dit que ces gens qui seront éloignés, ce sont ceux qui ont apostasié après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa mort, ils ont apostasié. Pourquoi ? Parce qu'il dit, je les connais, ils me connaissent. Est-ce que, ici, certains savants, le premier avis, ce sont ceux qui ont apostasié, donc ils étaient avec le prophète, et après la mort du prophète, ils ont apostasié. Ce sont eux. Ils disent, le premier avis c'est eux. Donc après sa mort, ils ont changé. Le deuxième avis, que ce sont les gens de l'innovation. Que ce sont les gens de l'innovation, les gens qui ont innové et qui ont modifié la religion. Et donc par rapport à cela, et les savants de manière générale, les savants du hadith, ceux qui expliquent ce hadith de manière générale, ils nous disent que les deux avis sont corrects. Et que ici, il y a le danger de l'innovation. Et c'est là qu'on voit que les savants qui mettent les musulmans en garde contre l'innovation, qui mettent en garde contre ces dangers, eh bien, ils veulent le bien des gens. Ils veulent leur bien. Et c'est pour ça que ça me rappelle un écrit justement de du très savant, le Cheikh Rabir, qui disait « Continuez à montrer aux gens la vérité. Continuez à leur montrer la vérité. Même si parfois c'est difficile et que les gens n'acceptent pas. Il faut, parce que wallahi, wallahi, nous sommes plus miséricordieux envers eux que eux envers leur propre personne. Parce que les savants, lorsqu'ils font ça, c'est pour le bien des gens, ils veulent leur bien. Arrêtez les innovations, c'est pas bien pour vous. Vous allez vous faire mal. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, d'apprendre, de comprendre quelle est la sunna. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire dans notre religion. Jazakumullahu khairan. Tayyib, on fait une pause. Moi j'ai besoin d'une pause. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك